t'ai vu me quitter des yeux, pour d'autres ailleurs, vers d'autres cieux. On y parle d'endroits merveilleux, merveilleux. Mais personne n'est revenu déjà pour nous dire si c'est vrai ou pas. Tu aurais pu me dire adieu, tenir ma main encore un peu, même si là-bas on y est mieux. On y est mieux, et personne n'est revenu encore de cet autre côté du décor. J'ai vu t'en aller heureux pour un voyage vers le grand bleu qui ne se fait jamais à deux, jamais à deux. Mais personne n'est revenu déjà pour dire qu'on vous attend là-bas. Comme un dernier cadeau avant de fermer les rideaux. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. À bientôt.